T'en vois ? Bien, c'est bon pour moi. Eh bien, merci d'être venus nombreux et nombreuses pour cette causerie de rentrée. Bon, après, nous on ne marche pas comme les profs. On commence en janvier et on est normaux en général. C'est le programme, ça va de janvier à décembre. Les profs, c'est septembre, c'est une date importante. Donc, on est content de recevoir Renaud Garcia, qu'on a déjà eu, si je ne me trompe pas, 2 reprises. En 2019, tu nous as parlé de la Kropotkine, ouais. Et en 2021, de la collapsologie. Là, vous avez un échantillon de ses ouvrages, et on a écrit pas mal autour de l'écologie, des fausses critiques, et puis les rééditions de l'œuvre de Kropotkine, où tu dois faire la préface à chaque fois. Et puis, voilà, vous avez un échantillon, et aujourd'hui, il va nous parler de son métier, puisqu'il est enseignant, tu es enseignant en philo, jusqu'à l'année dernière à Marseille, maintenant à La Ciotat. Et j'ai lu ton livre, effectivement, pour les profs, ils n'ont plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Et les gens qui veulent être profs, ben, ils sont élus par vite, en courant, ben, tu vas nous dire pourquoi. Il y en a d'autres des profs dans la salle, je sais. Et puis, tu n'es pas le seul à écrire sur ce sujet. Là, j'ai relevé qu'il y avait En 2022, Marion Honoré a écrit un bouquin, je ne sais pas si tu l'as lu, oui. « Les cours en visio me donnent envie de mourir oui. ». Tout un titre aussi qui donne au monde à l'envers. Donc qui donne, et là, va sortir dans pas longtemps, de Nedjib Sidi Moussa, « Le remplacement, journal d'un prof précaire de banlieue ». Qu'est-ce que j'ai dit ? Remplacement. Le remplacement. Excusez-moi, c'est la chaleur. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près raconté ce que je savais. Non, t'as à peu près 26 bouquins, tu as fait. Quoi ? En comptant les préfaces. Ah ben quand même, hein, elle est... Ah ben il y a des rééditions aussi, hein. Il y a le désert de la critique il y a au moins 3 fois, je crois. Non ? Bon alors. C'est facile. Hein. Alors c'était pas toi. Bon, je te laisse la parole, comme ça, je dis que des trucs faux. Non. Allez, à toi. Allez. Eh bien, donc merci. Bon, je vais présenter ce livre. Alors, ce livre, c'est, contrairement aux autres, là, c'est un journal. Donc, c'est une écriture personnelle, mois après mois, entre 2021 et 2022. C'est le journal d'une école, je dirais, numérisée, au temps du Covid. Alors, ça, c'est pas anodin. Que ce soit à l'époque du Covid. Alors, on aurait tendance à penser que c'est plus du tout pertinent d'en parler, que c'est passé, que le temps du Covid est passé. Alors, évidemment, il y a des choses dans ce livre qui relèvent d'injonctions un peu lunaires, comme ça, des protocoles qu'il y avait à l'époque pour les élèves à tous les niveaux. Alors, je reviens un peu là-dessus dans le journal. À un triple point de vue, donc il est écrit à 3 niveaux. Donc, prof, voilà, père, et on va dire auteur ou critique. Voilà. Et la conflagration des trois mène à des résultats qui sont assez difficiles pour l'équilibre psychique à certains moments. Bon. Quand il y a le Covid, quand il y a les protocoles, quand il s'agit de tester ces gamins avant de les emmener à l'école, de les retirer aussi vite que possible dès qu'il y a un cas déclaré dans la classe, etc. etc. Bon, alors, je ne vais pas tomber dans l'anecdote, mais simplement vous dire que, évidemment, à mon avis, on n'est pas du tout sorti du Covid, et notamment du point de vue de l'éducation, dans l'institution scolaire, tout simplement parce que cette crise sanitaire, si on doit l'appeler ainsi, eh bien, elle a participé d'un effet d'aubaine pour les fabricants d'enseignement à distance, ce qu'on appelle en anglais le e-learning ou les edtech. Et par exemple, je vais vous citer un cabinet de conseil qui est implanté en France depuis les années 90, qui s'appelle le cabinet Roland Berger, qui est d'origine allemande. Et ce cabinet, en 2018, il disait que le marché de l'éducation à distance représentait à peu près 6 000 milliards de dollars, voilà, de profit possible. Et donc, il y avait un problème, c'est qu'il fallait décloisonner, il fallait déverrouiller un marché porteur qui est le marché de l'éducation. Et ça voulait dire qu'il fallait lutter contre l'obscurantisme et l'immobilisme bien connu des enseignants. Et de ce point de vue-là, le Covid a été un porteur d'un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'il a permis de mettre en tête l'idée qu'on pouvait généraliser l'enseignement à distance dès qu'il y avait une faille dans le système, dès qu'il manquait un professeur. Donc on a l'impression que c'est derrière nous, mais en fait tout ça, ça participe d'une dynamique qui est assez bien installée. Alors, donc j'ai rappelé, c'est un journal. Alors dans un journal, on travaille sur l'affect, l'impression du moment. Alors, en parler, ben, ce ne serait pas finalement très intéressant. Il suffit de lire le livre pour ça. Mais par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est la trajectoire que ça dessine. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et c'est de ça dont c'est ça qui me semble intéressant, quoi, à développer aujourd'hui. Quelle est la trajectoire derrière tout ça? Alors, en 2021-2022, au lycée, puisque moi je travaille au lycée, cette numérisation accélérée et la crise du Covid sont arrivées dans le même temps que la mise en place d'une réforme du bac, sur laquelle donc je vais essayer de vous donner quelques éléments. Une réforme qui donnait en fait la prééminence à un algorithme de tri des élèves, je ne dis pas tri social, je dis tri des élèves, qui s'appelle Parcoursup. Alors, en deux mots, je vais essayer de vous donner la subtilité de Parcoursup par rapport à d'autres logiciels qui existaient avant, notamment un qui s'appelait Application Post-Bac. Donc c'est un peu technique, mais on comprendra l'idée, je pense. D'abord, la première chose qui est importante, c'est que avec l'application Post-Bac, on regardait et on prenait en compte les dossiers des élèves dans leur souhait d'accéder à des études supérieures. Avec Parcoursup, ce qui va compter, c'est ce qui est appelé le contrôle continu, qui est mis en place en fait dès septembre dans la plupart des matières, et donc qui implique que chaque note va compter. Chaque note que l'élève a va compter, va être importante pour qu'il se fasse une moyenne et que cette moyenne lui permette d'avoir un niveau suffisant pour accéder à ses vœux sur Parcoursup. Donc déjà, petite inflexion, passer de l'examen des dossiers des élèves à un contrôle continu, donc prima du chiffre. Et la deuxième chose, c'était une impossibilité de hiérarchiser ses vœux. Dans l'ancienne formule, l'élève pouvait hiérarchiser ses vœux et donc donner une indication sur ce qu'il souhaitait. Il était en possession, en fait, de ce qui lui semblait juste pour lui. Or, avec Parcoursup, les vœux ne peuvent plus être hiérarchisés, ce qui signifie qu'en réalité, si on voulait faire une comparaison, c'est comme si l'élève, en fait, il avait face à lui un logiciel de deep learning, il joue aux échecs, quoi, et en fait, il n'a même plus la possibilité, la maîtrise de ses propres préférences, des coups qu'il préfère. Conclusion, il perd à tous les coups. Alors ça s'est répercuté très nettement sur la psychologie, la manière d'être des élèves, avec une sorte de solitude de l'élève face à ses notes, un calcul incessant donc, qui a toujours existé mais qui l'a poussé au paroxysme des coefficients. Quel coefficient, donc qu'est-ce que je vais travailler plus, dans quoi je vais en fait investir davantage, et la nécessité d'être évalué en permanence. Alors, j'ajoute à ça, à l'époque du livre, vous voyez, ça va assez vite, ça vient de changer maintenant, parce qu'il y a eu une certaine pression quand même l'an dernier, on s'est rendu compte, et donc même le gouvernement, d'une certaine façon, s'en est rendu compte du fiasco total. Et jusqu'à présent, donc les deux dernières années, les épreuves majeures du baccalauréat, enfin, ce qu'on appelait le baccalauréat, avaient lieu en mars. Ce qui signifiait que donc, pendant 2 ans, les professeurs de terminale, en fait, ont dû faire une année réduite à 6 mois, 7 mois. Et pour le reste, les élèves avaient à préparer la sacro-sainte épreuve de philosophie maintenue, comme au temps de la Troisième République, en fondement de l'ordre et de la pensée française, quoi. Donc, ça a évidemment joué dans la lassitude et dans la désorganisation générale, à tel point que cette année, le nouveau ministre a annoncé que les épreuves dites majeures pour la question du bac seraient reportées au mois de juin. Néanmoins, le contrôle continu demeure. persiste. Donc la course quand même à la note, elle va demeurer, elle va persister. Alors le livre, il raconte un petit peu ça. Il raconte donc, si vous voulez, ce qui arrive lorsque l'évaluation, évaluée comme telle, devient la priorité, indépendamment d'ailleurs du contenu de ce qu'on va évaluer. Donc séparation entre l'évaluation et le contenu. Et lorsqu'évidemment cette évaluation elle est favorisée par l'ensemble du système. Alors, je dirais pourquoi après ce mot de système, il n'est pas énoncé au hasard, pourquoi il est important. Alors évidemment, moi j'essaye de raconter ce que ça fait, on va dire, intimement sur le terrain, ce que ça produit comme conséquence, et de part et d'autre. Hein, donc, chez moi, chez les élèves, éventuellement chez les parents. Trois points majeurs qui affleurent dans le livre, c'est le désintérêt logique, complètement explicable, des élèves pour toute réflexion qui nécessiterait un temps long. Donc évidemment, dans ce cadre-là, c'est la mort de la philosophie, par exemple. Tout simplement parce que, puisque c'est la course à la note, alors c'est la course à l'évaluation au court terme. On apprend, on désapprend, et on réapprend pour le prochain test, et ainsi de suite. Va avec cette obsession de l'évaluation une fragmentation, une atomisation des trajectoires, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, vous voyez, je reprends même moi le jargon à mon insu, quoi. En fait, il n'y a plus que des parcours individuels. Voilà. Puisque dans le nouveau baccalauréat, à mon niveau en terminale, les élèves sont censés choisir des options dites de spécialité. Et en fait, ils n'ont cours dans une classe entière que dans deux matières, l'histoire-géographie et la philosophie. Le reste du temps, ils sont amalgamés avec d'autres élèves qui ont choisi les mêmes options. Donc, éclatement des classes, destruction de l'idée même d'une classe, au profit de parcours individuels. Donc ici, c'est pas entre ces murs que j'aurais besoin de vous démontrer plus longtemps le caractère congru de ceci. Avec les dogmes typiques du néolibéralisme. Bon. Et, évidemment, pression à la note, qui implique, dans le quotidien, de perpétuelles négociations, des récriminations, soit des élèves, soit des parents, etc. Donc là aussi, finalement, un monde procédurier ordinaire, je dirais même américanisé, quoi, qui arrive comme ça, comme si c'était naturel. Une des expressions que je retrouve assez souvent chez les chefs d'établissement, c'est vous savez comment sont les parents, hein, donc on va y aller mollo. On va éviter de trop sanctionner, vous savez comment sont les parents. Bon. Donc, c'est un peu ce monde-là qui est décrit. Et évidemment, il participe de ce que j'appelle moi une déconstruction. Alors, c'est un petit clin d'œil aussi par rapport à d'autres livres, mais en fait, ça a vraiment un sens. Déconstruction, alors je distinguerai déconstruction et effondrement, vous voyez. Alors pourquoi ? Parce qu'un effondrement signifie une chute brutale et irréversible, alors qu'une déconstruction, ça signifie un démontage patient, comme si on enlevait des pièces d'un jeu de construction pour arriver à un état indifférencié, puis on remonte, on reconstruit d'une autre façon. Et donc pourquoi ça se déconstruit plutôt que ça ne s'effondre ? Parce qu'évidemment, les gens sur le terrain, dans le réel du travail, ils résistent. Ils résistent, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Il y a évidemment une part de zélés qui courent après le système, mais beaucoup de gens, ils sont un peu chagrins, ou ils loupent, ils font semblant de ne pas entendre, ou même ils résistent carrément. Et donc ça ne s'effondre pas directement. Ça se déconstruit pan après pan. Voilà. Donc c'est ça, vraiment, l'idée et la trajectoire. C'est-à-dire que, de l'intérieur, il y a une contrainte vécue en fait, à mal travailler. Puisqu'évidemment, si votre boulot, c'est d'être évaluateur à plein temps, ça n'a rien à voir avec accueillir des gens dans leur particularité, dans leur singularité, essayer de construire justement quelque chose avec eux sur un temps un peu long. Alors, il y a des gens qui ont travaillé sur la souffrance, justement, au travail, qui le décrivent très bien. Je cite un petit peu une belle idée de Christophe Dejour, là-dessus, qui est un psychiatre psychanalyste qui s'est intéressé au conflit à l'intérieur du travail. Et effectivement, c'est-à-dire qu'il y a on est pris entre l'exigence institutionnelle et puis ce que c'est que travailler dans une classe avec des élèves et des adolescents. Il y a une discordance qui crée diverses attitudes, qui produit divers résultats. Alors ça peut être au choix, soit le laisser aller. Beaucoup de collègues m'ont dit les années précédentes, bon, ils utilisent cette image, on laisse faire, il faut se blinder. C'est-à-dire qu'on se blinde, on se crée une carapace pour éviter de se dire qu'on est en train de participer à quelque chose qu'on réprouve moralement. Soit on tombe dans le blasement, et donc là, on devient mauvais, les élèves sont de plus en plus mauvais, c'est un cercle, et c'est insoluble. Soit alors, on va essayer de compenser ça en se focalisant sur la rémunération. Donc, au moins qu'on soit mieux payé pour ce qu'on fait. Alors, là, sur la rémunération, je dis rien, enfin, c'est pas un sujet qui me préoccupe philosophiquement, on va dire. Mais, ça, c'est l'aspect vécu intérieur. Mais évidemment, il entre en résonance avec ce qui vient de l'extérieur, donc les injonctions, et puis, il faut bien le dire, alors c'est mal vu aujourd'hui, le mot sort tout de suite avec complotisme, etc. Bon, il y a des faits très clairs. Il y a des idées, il y a des projections pour l'école, qui ne sont d'ailleurs pas évidemment limitées à la France. Et si vous lisez, par exemple, tu as cité le livre de Nedji qui vient de sortir, oui, il n'est pas du tout dans cette optique, en fait, le livre... Je dirais même que c'est un livre sur Nedji Psidi Moussa dans l'école, plutôt que sur l'école avec Nedji Psidi Moussa. D'accord. Mais y a un livre qui est paru au Québec, de deux profs, quoi, qui s'appelle Bienvenue dans la machine, et qui raconte à peu près la même chose avec, donc dans ce qu'ils appellent eux les cégeps, à l'université et dans le secondaire au Québec, c'est à peu près la même chose qui se passe. Et alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aussi comment l'institution, et je pense que justement tout à l'heure j'ai parlé de système, je dis qu'on reviendrait là-dessus, institution et système c'est pas la même chose, c'est pour ça que j'utilise pas le même mot. Donc pourquoi l'institution elle-même se trouve dépecée? Alors pourquoi? Parce qu'elle est devenue un domaine d'investissement, notamment pour des industriels du numérique, et qui va transformer finalement l'institution en autre chose, en ce que j'appelle un système de contrôle cybernétique. Alors on va essayer de voir pourquoi. C'est-à-dire qu'un système qui pilote à distance et qui traite des données. Alors ce qui est intéressant, justement, c'est que les promoteurs de ces nouvelles technologies, ces organisations, promeuvent en fait un démantèlement de l'institution, et ils utilisent des mots d'ordre qu'on a vu fleurir dans le milieu libertaire dans les années 70. Par exemple, l'OCDE, dans un rapport de 2020 sur les perspectives et le futur de l'éducation, parle du deschooling. Alors, deschooling, pour ceux qui ont ça en tête, Deschooling Society, c'est le titre de l'ouvrage de Ivan Illich, en 1972, qui a été traduit, mal traduit en français, par une société sans école. Donc par deschooling, lui, Illich, il ne voulait pas du tout dire ça. Il ne voulait pas du tout dire, évidemment, qu'il fallait détruire l'école. Il disait simplement qu'il y avait trop d'écoles dans un sens institutionnel et que, surtout, l'école ne pouvait pas prétendre préempter le champ de l'éducation. Qu'il y avait d'autres façons qui entraient en complémentarité, en synergie, disait-il, avec elle. Mais quand l'OCDE parle du deschooling, voilà ce qu'ils disent. Et ça, c'est en toutes lettres dans ce rapport de 2020. Il va falloir étendre un marché éducatif où les institutions publiques et nationales seront soumises à la concurrence de fournisseurs privés. Voilà. C'est-à-dire, en fait, des boîtes de cours online. Bon. Pour ça, il va falloir que les élèves se changent en atomes, branchés en permanence sur des réseaux avec des fournisseurs de compétences. Voilà. Donc, encore une fois, des profs online. Le livre des Canadiens raconte même que pour rendre la chose plus sexy et plus fun, ils ont songé à de grands acteurs américains qui pourraient donner des cours préparés par des fournisseurs de compétences, donc notamment Matt Damon, qui donnerait des cours préparés par des boîtes privées. Bon. Ce rapport de l'OCDE critique également la rigidité du service public et porte l'insistance sur les financements privés, le fait d'avoir des indicateurs de qualité et des accréditations pour enseigner. Alors, évidemment, comme dans ces rapports, il y a toujours la caution sociale et la préoccupation sociale, en disant, bah, certes, qu'est-ce que ça va produire socialement ? Ça va produire un système à 2, 3, voire plus de vitesse encore, et des inégalités abyssales. Bon. Mais c'est le prix à payer. Et d'ailleurs, il y a eu même un scénario dans ces scénarios futuristes qui est encore plus radical, qui lui prône l'abolition intégrale des systèmes scolaires au profit d'apprentissages informels qui seraient facilités par les technologies. Donc en fait, des apprentissages en réseau. Ce qui signifie concrètement la disparition de la figure antique du professeur au profit de ce qu'ils appellent, dans leur langage, des clusters, vous voyez, de fournisseurs en compétences. Voilà. Donc on peut imaginer plusieurs professionnels qui se mettent ensemble, qui participent à une entreprise privée et fournissent des cours. Alors, évidemment, c'est toujours pareil, ces scénarios, on a l'impression qu'il ne faut pas les prendre à la lettre, que ça délire, que c'est de la prospective complètement fumeuse. Bon, si je regarde la situation, par exemple, à Marseille, système de plus en plus inégalitaire, on n'est pas sur cette voie encore totalement, mais enfin, quand on regarde le nombre de familles qui fuient vers les établissements privés, parce que elles ont misé sur le parcours de leur progéniture des 3 à 4 ans, en futur polytechnicien, ou je ne sais pas quoi. Donc, je méfie toujours du... On n'en est pas là. Voilà. Nous, l'essentiel, ce qu'on doit faire, si on doit faire de la critique, à mon avis, c'est essayer d'avoir un coup d'avance. On a souvent plusieurs coups de retard. Et voilà, il faudrait qu'on arrive à anticiper justement la trajectoire. Bon. Alors ça, tout ça, ça pose un problème. C'est le sens et la valeur de l'institution, l'école. Alors c'est là que on peut revenir sur l'étymologie. L'institution, l'institué, au départ, c'est ce qui se tient, ce qui est stable, en fait. Voilà. Et en fait, c'est cette stabilité-là qui peut rendre possible des rapports humains. C'est ce qui se met entre les gens pour les faire entrer en rapport, une institution. Et donc, c'est dans le cas d'une institution aussi qu'on peut avoir non seulement des rapports de coopération, mais des conflits, des oppositions, et c'est aussi à l'intérieur d'une institution qu'on peut désobéir. Ce qui a été institué, normalement, par les êtres humains, peut être désinstitué, peut être démantelé. Donc, ça autorise la désobéissance, ça autorise le conflit. Le problème, c'est que les institutions sont en train de changer et de devenir soit des organisations, soit des entreprises, soit des systèmes, et qui sont des systèmes technologisés, donc maîtrisés par des techniques de pilotage, donc ce qu'on appelle la cybernétique. Et le propre de la cybernétique, c'est que vous envoyez une donnée et on vous redonne quelque chose en échange. Par exemple, on voit ça avec l'utilisation du smartphone. Quelqu'un qui utilise son smartphone produit des données, mais ces données, évidemment, impliquent en retour un profilage. Et donc, finalement, il va se retrouver à faire des choses qu'il n'avait pas l'intention de faire et qui vont lui apparaître totalement naturelles. C'est ce qu'on appelle, très précisément, encore du vocable anglais, du nudging. Vous êtes contraint à faire ce que vous n'aviez pas l'intention de faire et vous le faites d'une manière complètement naturelle. Eh bien, le problème, c'est que ce qui n'est pas une injonction, ce qui n'est pas un ordre, mais ce qui est simplement une procédure, eh bien, il est beaucoup plus difficile de désobéir. Voilà. Et donc, quand on transforme l'institution en organisation, en entreprise ou en système, eh bien, on est en train, en même temps, d'écraser la contestation. Voilà. Parce qu'en fait, les mécanismes de contrôle, ils sont impersonnels. Ils passent souvent par des machines, par des systèmes, et on ne voit plus où sont les donneurs d'ordre. Alors ça, c'est évidemment un véritable problème, et qui nous renvoie, et c'est pour ça que ça c'est une partie que je voulais faire aujourd'hui, particulièrement ici, qui nous renvoie à un problème par rapport aux idées ou au fond des idées anarchistes. Quoi. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que les anarchistes, ils ont critiqué l'institution scolaire. Donc tous les grands noms, Ferrer, Paul Robin, Faure. Bon. Et ils ont mis en place pratiquement d'autres manières d'éduquer. On pourrait même citer ben, du coup Freinet. Voilà. Mais alors, pourquoi ils ont critiqué l'institution scolaire ? Donc j'ai relu en préparant un petit peu Paul Robin avec son expérience de Sans-Puits et puis Faure avec son expérience de La Ruche. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Et même Ferrer aussi avec son expérience de la méthode scientifique quoi, à l'école. Ben, ils voulaient se défaire de la figure du maître autoritaire et du propagandiste religieux, clérical, qui asservissait le corps et l'esprit des enfants, hein, et qui les rendait dociles pour le marché, pour l'Église et pour l'État. Bon. Là, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Bon. On retrouve, après cette inspiration, on l'a retrouvée dans les années 70 chez Foucault, par exemple, « Surveiller et punir ». Il fait la critique de l'école-prison, de l'école-atelier, c'est-à-dire du pouvoir disciplinaire. Bon. Donc moi, très bien pour ça, mais il me semble que là, on est obligé, pour le coup, de prendre en compte justement le contexte. C'est-à-dire, dans une société qui est corsetée par l'Église et par l'État, ce sont de très justes revendications de détruire cette institution-là, fondée ainsi. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui attaque l'institution, ça ne vient pas des anarchistes, ça vient du pouvoir lui-même, en fait. C'est le pouvoir lui-même qui détruit l'institution équipée de ces technologies. Donc, si vous voulez, là, on a une vraie difficulté, et c'est quelque chose que je dois prendre en compte, parce qu'on m'en a fait le retour aussi sur ce livre. On m'a dit, mais très bien, il y a une critique de ce qui se passe aujourd'hui, c'est alarmant, bah, comme a dit Philippe... On a envie de... Il y a un article sur le viaduc et Dieu Berthe, quoi. Bon. Mais, en fait, on m'a dit aussi, oui, mais ce livre est trop conciliant avec l'école. Il est trop conciliant avec l'école comme elle a toujours été, c'est-à-dire une institution vouée au dressage, vouée à la contrainte exercée sur les esprits pour les faire travailler, pour les rendre performants, dociles et productifs. Bon. Je vais pas assez sur ce terrain-là. Alors, pourquoi ? Ben, un, parce que j'ai pas envie de répéter Ferrer, Stirner aussi, ou les autres, tout ça a été très bien dit. Et deux, parce qu'évidemment, bon, la bourgeoisie du 19e siècle a instauré peut-être l'école obligatoire dans le but de donner un minimum de base, si vous voulez, aux futurs employés de la société industrielle qui se développait à l'époque. Très bien. Mais précisément parce que c'était une institution, elle pouvait encore être critiquée, et même du dedans. Donc là, effectivement, en songeant à quelqu'un comme Freinet, je vois qu'il pouvait y avoir ce genre de critique. Quoi. Bon. Et aujourd'hui, donc moi, je... Quand on me fait cette objection, j'insiste sur ça, il y a un retournement. Et ce retournement, c'est la technocratie, en fait. C'est-à-dire la classe qui cumule le savoir, l'avoir et le pouvoir. Et cette technocratie, si vous voulez, elle critique l'institution et elle reprend à son compte des mots d'ordre qui étaient des mots d'ordre libertaires. Par exemple, l'intelligence collective, la place de l'enseignant à côté... on trouve ces mots de Novlangue, catalyseur d'intelligence collective, des choses comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez, on est pris entre deux feux. Donc, sans céder sur la critique plus ancienne de l'école, en reconnaissant sa pertinence en contexte, il me semble aussi qu'il faut retenir, malgré tout, qu'à l'heure actuelle, le plus urgent, en fait, c'est le plus simple, en apparence. Et c'est sur ça que se finit un peu, alors peut-être en cul-de-sac, je ne sais pas, ce livre, mais c'est de dire que le plus important, c'est la présence humaine d'un adulte qui est dépositaire, d'une part, de l'expérience du monde, face aux jeunes, et qui leur propose, le cas échéant, une façon d'être qui est en rupture avec le monde dans lequel ils sont pris. Voilà. Et il me semble que cette expérience-là, il faut se battre dans la mesure de nos moyens pour elle, donc critiquer sans relâche ce qui se fait, parce que c'est uniquement comme ça qu'on pourra peut-être semer quelque chose dans la préhistoire en fait des individus, puisqu'à 17-18 ans c'est leur préhistoire en fait, et qui germera peut-être, qui leur fera faire justement un pas de côté par rapport à ce monde qui a une tendance en fait totalitaire, quoi, dans laquelle ils sont pris et à laquelle l'école ne peut pas échapper. Voilà. Donc c'est pour cette causerie-là, moi je voulais insister là-dessus, c'est vraiment le dilemme dans lequel on est pris, et la déconstruction de l'école, elle passe évidemment par le recyclage et le détournement de ces mots d'ordre libertaire qui avaient une réelle pertinence à une époque, qui l'ont certainement encore, et donc qui nous laissent à chaque fois entre deux feux et pris entre diverses envies, quoi. L'envie de critiquer certaines postures, on va dire, autoritaires, certainement, mais la nécessité de penser ce que c'est qu'une institution, de préférence à une entreprise ou à un système. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais dire pour aujourd'hui, après on peut discuter. D'accord, ben merci. Donc, à vous la parole. Faites un petit signe et puis je note qui veut parler. Vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, si je comprends bien, il y a des choses qui changent à l'école, mais les enseignants, de leur côté, ne veulent pas trop changer. Si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut tirer un constat de l'école d'aujourd'hui ? C'est vrai qu'elle est en miettes, c'est vrai que c'est un chaos pas possible, et il est très difficile d'enseigner dans les quartiers nord, ça c'est certain. Plus facile, sûrement, d'enseigner dans des boîtes payantes. On a les parents sur le tout. Comment? On a les parents sur le tout. Même pas, peut-être. Donc, je pense qu'il faudrait que, compte tenu de cette avancée dans la pédagogie, les enseignants, au lieu de se lamenter, réagissent, s'organisent pour faire face, pour présenter autre chose que ce qu'ils présentent depuis des siècles, c'est-à-dire celui qui connaît le monde par rapport à ceux qui ne connaissent rien. Bon, ça, c'est ce que j'en tire moi comme conséquence. Ensuite, j'ai travaillé dans la formation continue, ça fait une vingtaine d'années, on nous demandait d'individualiser les parcours. On ne peut pas individualiser les parcours si on n'a pas des supports pédagogiques. On ne peut pas individualiser les parcours si on n'a pas des machines aujourd'hui, de l'e-learning en fait. Il n'y a pas de contenu. Donc je comprends que les contenus, il faut les créer, et que ceux qui les créent ne sont pas toujours obligatoirement ceux qui maîtrisent un savoir, comme on souhaiterait le proposer aux uns et aux autres. Ensuite, moi, je crois qu'il y a... Alors, dans cette expérience de formation continue, on nous demandait de faire des entrées et sorties permanentes. Parce qu'en fait, comme il a été dit au début, on ne démarre pas une année en septembre en l'arrêtant en juin. Elle démarre de janvier à décembre et de janvier à décembre, en permanence. Donc si on veut faire des entrées et sorties permanentes, il faut obligatoirement individualiser les parcours. Je parle là pour un système qui est mis en place dans la formation continue depuis au moins 20 ans, qui donnait à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, satisfaction, et qui est obligatoire par rapport à des gens, à des jeunes et des adultes, qui sont sortis du système scolaire. Et ils sortent du système scolaire à n'importe quel moment de l'année. Pas obligatoirement au mois de juillet, au mois d'août. Des gens au chômage, il y en a toute l'année. Donc il faut en récupérer toute l'année. Donc ça me fait penser qu'il y a, par rapport à l'éducation traditionnelle, obligatoire, etc., diplôme, une éducation parallèle, qui est l'éducation permanente, qui doit s'adapter justement à un marché du travail qui est en permanente évolution. J'ai enseigné dans les lycées. Je n'aurais pas enseigné dans les lycées en tant que professionnel s'il y avait eu suffisamment de professionnalité au sein de l'éducation nationale. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette éducation nationale, moi, que j'ai connue en tant qu'élève dans l'école laïque, elle ne remplit plus sa tâche. il n'y a plus d'ascenseur social. Donc il faut trouver quelque chose. Et évidemment, si les enseignants ne font que se défendre, défendre leur précaré, effectivement, à côté, il y aura d'autres propositions, probablement, mais je crois qu'il appartient aux enseignants, parce que c'est une valeur, l'éducation nationale en France, c'est un peu comme la sécurité sociale. C'est quelque chose qui part en morceaux. Donc je crois qu'il faudrait peut-être là considérer qu'on ne peut pas avoir en permanence un groupe homogène. Si on revient à des considérations politiques, est-ce qu'on peut considérer que dans cette salle, on a tous la même expérience ? Non, je ne crois pas. On a des sensibilités différentes, et dans ce sens, il faut essayer de s'adapter et donner un message, non pas à un groupe, comme on l'a fait en politique, mais considérer qu'il y a des individualités. Moi, je crois beaucoup à la progression en ayant le souci, justement, des compétences de base de chaque individu. Si tu veux répondre tout de suite ou on laisse la deuxième intervention? Oui, moi je dirais presque un peu à l'opposé. Un des points essentiels, à mon avis, de l'école, de l'université et des lycées, ce qu'on n'a pas dans la trappe aujourd'hui, c'est l'éducation sociale. Je veux dire, avec toutes les formations en ligne, en fait, on se connecte, on a effectivement un support très adéquat si on veut progresser en maths, histoire, etc. Mais on perd, à mon avis, quelque chose qui est essentiel, c'est apprendre, effectivement, à se confronter à l'autre. Et ça, je crois que c'est un rôle fondamental qui, s'il disparaît dans les premiers niveaux de l'école et à l'université avec tous les cours en ligne, ben, je pense qu'on aura des graves conséquences au niveau général. Marie-Van, on se prend 4 interventions, puis après tu rebondiras. Alors, je dirais que j'aurais tellement de choses à répondre à ce que vous avez dit à l'instant que je vais en choisir qu'une ou deux. Le parcours individuel, bon, j'entends ce que vous dites, et évidemment qu'à des moments, et dans le cadre de la formation de l'étudiant en particulier, why not, enfin, après, Renaud l'a un peu dit, hein, la nouvelle langue que j'ai personnellement à peu près toujours connue, mais qui s'est évidemment extrêmement augmentée les dernières années. Je n'ai cessé d'entendre les dernières années que l'élève était au centre du système. Et personnellement, je suis à la retraite depuis 4 ans, donc 42 ans d'éducation nationale, plus les 4 ans que je viens de passer à la retraite, je n'ai jamais trouvé... j'ai vraiment vu l'élève pas du tout au centre du système, au fur et à mesure qu'on disait qu'il était au centre du système. Et cette foutue individualisation et parcours individuel dont on parle, et dont Renaud a parlé en particulier avec Parcoursup, mais aussi avec la réforme, hein, le choix des différentes options, etc., les spécialités, mais c'est une foutaise monumentale. Mais monumentale. Ça n'est joli éventuellement que sur le papier. Dans la réalité d'un lycée, etc., ça ne veut rien dire. Et pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que il faudrait peut-être... Alors, je ne connais pas un lycée à 2000, 3000, 4000 élèves, c'est-à-dire du coup tout autant de profs et tout autant de moyens qui vont avec. Mais concrètement, moi j'étais dans ce qu'on appelle un petit lycée, donc environ 700 élèves, mais on est bien loin d'offrir l'intégralité de la palette à l'intégralité de nos élèves. Il disait, oui, mais moi je voudrais bien faire humanité, je ne sais pas quoi. Ah, ben non, mais non, là on ne peut pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas les moyens. Alors écoute, tu vas aller faire des maths peut-être. Au hasard. En plus, je prends les maths, alors que ce n'est pas vrai, les maths on les a sacrifiés au passage, mais ça c'est autre chose. Bon, voilà, je ne vais pas m'étaler pendant 2 heures, mais une fois de plus, ce machin est très joli comme ça vu de l'extérieur. On pourrait se dire, ah ben oui, quand même, ils font des choses intéressantes, mais ce n'est pas vrai du tout. Et la deuxième chose. La deuxième chose, tout ce qui est télé-enseignement, etc., je pense que si les enseignants, dans leur grand nombre en tout cas, sont très contre cette chose-là, c'est pas uniquement pour gagner et pour défendre leur boulot et leur salaire, comme l'a dit Renaud à un moment. Une preuve est qu'avec Covid et donc énormément de, de télé-enseignement, etc., tant dans les établissements, enfin jusqu'au bac que post-bac aussi. Je n'ai aucun chiffre à avancer parce que je ne les ai pas par cœur, mais il y a un nombre de dépressions. Alors, chez les étudiants, il y a eu un nombre d'abandons totalement faramineux. Il y a un nombre de gamins incroyables qui ont déprimé, mais jusqu'à grave, en disant « je ne peux plus rester face à mon ordinateur, c'est pas possible, je veux de l'humain ». Oui, nos élèves aussi veulent de l'humain. Alors après, le maître, oui, on peut en discuter en long, en large, en travers, c'est mieux s'il évolue. L'école, Renaud l'a bien dit, on est les premiers à la critiquer, à l'avoir critiqué toute ma vie. Mais je suis un peu d'accord avec lui sur le fait que, sous quelle forme, je ne sais pas, mais effectivement, à l'heure actuelle, il faudrait plutôt la défendre. Enfin, en tout cas, peut-être pas celle, enfin, en tout cas, certainement pas celle-là, parce que ce qu'on a critiqué reste vrai, mais en tout cas, une école, un endroit où les gens se rassemblent, où, où le maître veut également faire ça à un gamin, ou ça pour là, ou tu vas t'en prendre une s'il faut, enfin bon voilà, juste normal, où il y a des rapports humains et nos élèves en, à leur état. Sachant que la position de l'éducation nationale en France est à un niveau très très faible. Je ne sais pas, elle était excellente il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui c'est loin d'être le cas. Je crois qu'aujourd'hui il faut se poser des questions et apporter des réponses. Je pense, tout à fait. On n'a pas normalement besoin d'avancer ça. Tu vas. Oui, mais moi je te rejoins. Il y a une chose qui me paraît indispensable dans l'école. Moi, je ne suis pas du monde enseignant, même si j'en connais beaucoup. c'est le présentiel. Ça, c'est. Moi, j'étais au télécom. J'étais cadre. J'ai vu la productivité d'une réunion en présentiel ou en visio. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quel que soit le support. La visio, c'est pratique, on met au point les détails, et une fois qu'on les met bien mis d'accord, ça oui. Mais le reste, non. Et je pense que l'école a pour mission essentielle déjà de transmettre des connaissances et de former des citoyens. C'est ça le point de départ. Comprendons ça, au moins jusqu'au lycée. Après, la fac, c'est autre chose. Des humains d'abord. Des humains, oui, mais c'est ça, des citoyens. Des humains d'abord. Après chacun, c'est bon. Mais donc, c'est ça. Et j'ai vécu, alors effectivement, moi, j'ai eu la chance d'avoir une école qui marchait bien. Qui marchait bien, moi. Je me suis dit, qui. On est allé au lycée, moi de ma génération, enfin de ma classe d'âge, on n'était pas très nombreux, hein, j'ai 10-15%. Ceci dit, le niveau général à la sortie du primaire était largement supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'en haut, on a décidé que finalement, qu'est-ce qui était utile pour les entrepreneurs ? C'est ça. Et c'est ça que. Tiens, Macron est allé hier dans un lycée professionnel. Pour dire quoi ? Le gamin a 12 ans, il doit choisir sa profession. Mais moi là, c'est un cauchemar. Faut le dire. Moi, à 12 ans, je rêvais d'être amiral de porte-avions, si je me souviens. Macron, à 12 ans, il a choisi le président. Voilà, bon. Voilà, c'est. Et. D'entrée de jeu, orienter un gamin là-dessus professionnellement en fonction des besoins immédiats des entreprises, c'est ça qu'ils ont. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'autant de gens bien éduqués, bien informés, bien instruits ? Non, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça fait faire des impôts aux entreprises. Moi, je pense que c'est à ça qu'on a affaire et je comprends la défense de l'école. Et ce qui reste, pour le moment, il en reste, alors c'est vrai que la déconstruction de cette vision me convient bien, c'est ça qui est en pratique. Et déjà, ce qui subsiste de ce qu'il y avait, de repartir de là pour construire quelque chose, après les méthodes, la méthode freinée et tout, ça c'est discutable, donc je ne suis pas pédagogue, mais en tout cas, et en plus, alors, il y a autre chose, c'est vrai dans l'histoire des finances, c'est le nombre de gamins par classe. Parce qu'individualiser tout ce qu'on veut, etc., oui, l'élève au centre, oui, dans des classes de 15 élèves. C'est 35. On peut s'intéresser à chacun. Avec des classes de 35, c'est impossible. Voilà. On continue, tu veux intervenir peut-être un peu? Non, non, je pense que ça a été bien. L'enjeu, il est bien restitué, quoi. C'est à quelle échelle, surtout, on parle de parcours individualisé, je pense. C'est vraiment ça. Alors, pour un adolescent, pour un adulte, c'est pas la même chose, déjà. Qu'est-ce que vous rêveriez, vous? Attends. Du coup, je rêverais. Oui. Voilà. Oui. Ben, qu'il y ait des moments. Enfin, que dans la salle de classe, il y a un moment où l'élève, il ait l'impression qu'il est en train et qu'on l'aide, que lui il le fait aussi, à disséquer le monde dans lequel il vit. Quoi. Voilà. Qu'il comprenne mieux le monde dans lequel il vit, c'est tout. Dans n'importe quelle matière, pas que dans la philo, que ce soit vraiment pour ça. Voilà. Rien d'autre. Ils en ont besoin. Charles. Oui, moi, il me semble que ce que tu décris pour le secondaire se passe aussi au niveau universitaire. Tu parlais évidemment de numérisation, de quantification, d'atomisation, de privatisation. Et les armées d'ingénieurs sur des plateaux qui fabriquent des algorithmes pour faire tout. Et puis des bureaucrates, des administrateurs, pour appliquer ces algorithmes, ou les faire respecter, ou les faire passer, ou les fabriquer. Et on m'a donné récemment l'exemple d'un algorithme pour une simple demande de mission, genre aller au colloque de Paris à Berlin. C'est un jeu de loi, c'est un jeu de loi, c'est ubuesque. Ce mot, ce concept de bureaucratisation me semble important. Tu n'en as pas parlé. Est-ce qu'il y a, par exemple, un gonflement des services administratifs au niveau du secondaire? Est-ce qu'il y a une bureaucratie qui est oui. qui ah bah, ça, c'est... Ça, c'est sûr, oui. C'est sûr. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. C'est un des aspects majeurs. Juste, je pense, en partie du niveau universitaire, moi j'ai passé 30 ans à l'université. En 30 ans, le personnel administratif a été multiplié par 10, c'est le personnel enseignant par 2. Oui, oui, dans la recherche aussi. Oui, voilà. Les chercheurs font quand même beaucoup de papier. Attendez, par exemple. Ils veulent encore faire de la résistance et ne pas les faire. Attendez, on va éviter les conversations à deux, tout le monde en prend. Plusieurs points. J'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai représenté pendant 20 ans l'Association universelle d'espéranto à l'UNESCO. Et tout le monde se bat en disant l'éducation n'est pas une marchandise. Alors évidemment, c'est le monde entier contre les États-Unis et Israël. Mais tout le monde y tient bon et essaie de faire avancer l'idée que. Pardon. Vous dites que tout le monde tient bon, je ne comprends pas. C'est au niveau européen. Non, non, mais les États. Bien sûr, dans la politique française, non, mais... ce qui se manifeste, est l'éducation est une marchandise. C'est ça qui s'est mis en place depuis 20 ans à l'université, qui nous détruit à l'école. C'est parce qu'il faut enfin faire de l'éducation un produit comme un autre. Enfin, c'est pour ça que tu écris ton livre, c'est ça qu'on fuit tout le temps, c'est pour ça qu'on est des dizaines, voire des centaines à démissionner chaque année, c'est parce que, idéologiquement, cette chose-là a gagné au niveau mondial. Pardon. Disons que, alors on freine, disons. L'Europe, non, l'Europe accélère. Donc, ensuite, moi j'ai eu la chance d'être professeur de russe, donc d'avoir des petits effectifs, et de faire ce que je voulais. Sans tenir compte de l'inspecteur, je ne suis jamais passé en classe, c'est sûr, mais justement, elle mérite, elle a trop souvent la langue bien pendue, mais elle mérite une grande franchise. Enfin, c'était le rapport de l'improviseur. Donc, faire justement de chaque élève, dire un citoyen, avec aussi une ouverture d'esprit, parce que personnellement, je m'intéresse à plein de choses. Et je rencontre ma grande des élèves, la dernière fois, le Tourmaturin, un qui est grand-père, quand même des années que je n'ai pas eues, qui justement me remercient encore de tout ce que je leur ai apporté. En dehors, ils ont peut-être oublié le russe, mais depuis les 40 ans, le papier est une matière première chère, on économise, l'électricité est une matière première chère, on n'a pas besoin d'éclairer si c'est soleil, etc., etc. Et donc tout ça, moi j'ai pu le faire parce que je me suis toujours moqué de ma carrière. Je n'étais pas bénie, oui, et c'est vrai que beaucoup trop de collègues sont... notamment au niveau de la bureaucratie, quand on a commencé sur Minitel à nous obliger à mettre les notes, j'ai dit non, je ne les mets pas. Je les communique, mais je ne perds pas mon temps à rentrer les notes sur Minitel. Et tout le monde a foncé là-dedans. Ah, c'était le progrès. Et quand on parlait d'ascenseur social, un problème que tout le monde semble ignorer, c'est la connaissance du français. Donc, Covid en plus. Donc, ma nièce est professeure des écoles en exception de maternelle dans une CEP. L'an dernier, elle avait 12 élèves, dont 8 nés en France, qui ne parlaient pas français, qui avaient appris le peu de français dans la famille ou ailleurs, à travers les masques, donc ils avaient entendu de travers, et ils n'avaient pas vu comment prononcer. Et donc elle a passé l'année à essayer de leur apprendre le français en bricolant, quand il y avait une aide, en prenant quatre dans le couloir, une petite table pour un petit fils, et on essaie de parler, etc. Pour faire une conférence au congrès d'Espéranto naturel cette année, j'ai repris tous les textes depuis 2021, entre la maternelle, langue étrangère. Et exemple, je vous l'espère, faire comprendre qu'il y a des sons en anglais, qu'il y a des sons en français, etc. Alors qu'en fait, le problème est le fait que ces petits sont dans des familles souvent arabes, mais le niveau social très bas, le niveau culturel très bas. Et donc, au lieu de dire, on s'appuie sur leur, même pas langue maternelle, mais langue journalière, pour aller de l'avant, ça, on n'en parle absolument pas. Et donc, vous avez des élèves, ma nièce, ça arrache les cheveux, quand en CM2, elle a dû faire passer en 6e des deux petites turques qui avaient épuisé leur quota de doublement, qui ne parlaient pas français, elles ne savaient qu'elles les envoyaient au casse-pipe. Ok. Oui, bah alors moi, en fait, là, ce que tu racontes, ce que vous racontez, je ne sais pas si je vous... par rapport à l'école, moi, ça me fait de dire que, en fait, on essaie seulement de freiner les attaques, en fait. Moi, ça me semble comme si c'était au niveau global, en vrai. C'est, que ça soit au niveau social, au niveau... Enfin bref, que ça soit au niveau... À tous les niveaux, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, de ne pas trop reculer, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que dire, presque on n'ose plus critiquer l'école, l'éducation nationale, alors que franchement, tous les enseignants, enfin, normalement constitués depuis. Toujours, ils se disent que. Ils voient bien, ils ont bien vu que l'école, c'était pas. C'était. Là, par exemple, le monsieur disait que c'était. Son rôle, c'était de préparer au marché du travail. Bon, ben, je crois qu'on est nombreux ici à se dire que c'est pas tout à fait ça comme ça que on envisage l'école. Et je me suis dit que, moi aussi j'ai vu, je suis énorme depuis longtemps, puis bon, bref, et j'ai vu toutes ces attaques arriver, tout ce qui était la marchandisation en fait de l'école, elle a augmenté au fur et à mesure, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu un basculement avec l'informatique, ça je l'ai vu arriver même en primaire, hein, ça a commencé aussi, arrivé à ce que a pratiquement obligé. De toute façon, la société en général, elle devait s'adapter à cette informatisation, cette informatisation généralisée. Et ils l'ont fait aussi à l'école, en primaire, encore plus en collège. Et bon, au lycée, je connais moins. Est-ce que ça a été une bascule avec le Covid, ou est-ce qu'il y avait déjà avant, comme maintenant je vois par exemple au collège où j'ai vu arriver aussi en primaire, les profs qui doivent rentrer les notes dedans, les appréciations, qui doivent donner leur programme, qui doivent passer en fait à temps fou sur leur ordinateur au lieu de préparer leur cours comme on faisait avant, bouquiner, enfin je sais pas. C'est bien avant les enfants aussi, c'est bien avant le Covid tout c'était ça. C'était déjà bien avant le Covid. Vas-y. Oui, c'est... après tu peux parler, oui. Tu peux dire des mots là sur quand même le bac numérique parce que c'est. C'est assez monstrueux, là, les copies numérisées. Là, vous avez essayé de résister à ça, non ? Oui. Ouais, je peux restituer ça dans l'historique. En fait, bon, vous connaissez peut-être ce bouquin « Arsenic et jeunes cervelles » des années 80. Ah, « Arsenic et jeunes cervelles », c'est 1986. Marie-Claude Bartoli. Et justement, eux, ils anticipaient déjà les conséquences de l'informatique à l'école. 86. Donc c'est un mouvement très profond en réalité. Alors ensuite, effectivement, ce qu'on vit là, c'est la bureaucratisation même des actes quotidiens, quoi. Donc, la bureaucratisation à la rentrée. Ça existait évidemment bien avant le Covid. Je crois que, alors, pour ça, moi j'aime bien scander avec des rapports sur l'enseignement. Donc il y a, je crois que c'est 2010, si je ne me trompe pas, il y a un rapport de monsieur qui s'appelle Fourgous. Le rapport Fourgous, c'est un bon moment de basculement, c'est vraiment travailler à l'ère du numérique, et c'est là qu'on voit apparaître tous ces mots, intelligence collective, le professeur n'existe plus, c'est un catalyseur, etc. Voilà. Et donc, on va dire que c'est à peu près ce que je vois, moi, c'est 2008-2010, quoi. Ce qui est concomitant, d'ailleurs, avec la généralisation des réseaux sociaux en France, du moins, quoi. Et donc ça se développe effectivement de plus en plus. Et il y a d'autres habitudes qui ont été prises naturellement et qui ont été prises, par exemple, à l'université pour la correction des concours, qui était de numériser les copies des élèves, c'est-à-dire de les scanner. Les corrections étaient numériques. Donc les professeurs avaient des logiciels qui leur permettaient de corriger. Bon. Ensuite, on a eu ça dans le BTS. Ça veut dire quoi, numériser ? Numériser, ben, ça veut dire que l'élève fait sa copie à la main. À la main, elle est ensuite passée au scanner, et puis ensuite, on a une version numérisée. Et donc, le correcteur est devant son ordinateur, il a des lots virtuels qu'il va essayer de... Enfin, qu'il doit corriger à l'aide d'un logiciel. Un logiciel, oui. De correction. Souvent, ça s'accompagne aussi par énormément de QCM. Alors, ça, c'est à l'université. C'est ça. Donc, BTS. Ensuite, c'est venu BTS. Il y a des lettres dans les cursus de BTS, de la littérature. Ça a été imposé aux profs de lettres, qui n'ont trop rien dit. Et ensuite, ça a été imposé en 2021 aux profs de philosophie. Alors, nous, effectivement, donc, comme dit Philippe, à Aix-Marseille, on a refusé ça la première année. Bon. On a réussi à tenir. C'était une année très bizarre, avec justement le Covid, des interruptions. Donc on a tenu, et donc en France, on a réussi quelque chose, un petit truc, c'est-à-dire qu'on n'a pas corrigé. Voilà. Mais évidemment, il y avait un loup dans l'affaire, c'était que l'épreuve était complètement dévaluée, parce que il y a eu tellement d'avanies pendant l'année que le ministre avait décidé de garder les notes du contrôle continu des élèves. Donc en fait, ils sont allés passer un examen pour rien. Donc ils pouvaient se permettre de faire qu'on ne corrige pas. La deuxième année, on a réessayé, l'an dernier. Et donc, effectivement, le livre raconte une magnifique défaite, quoi, comment on perd dans les grandes largeurs, à quel point on n'arrive pas en fait à emmener les collègues là-dessus. Alors, parce que ça, c'est un point très précis, c'est le fait que... La conscience de la technologie comme fait social total est encore très lacunaire, quoi, de manière générale. Et donc, on nous a pris pour des briseurs d'ordinateurs. Enfin, on a vu l'ordinateur, mais on n'a pas vu au-delà de l'écran, quoi. Toute la vision de contrôle, de pilotage qu'il y a derrière, quoi. Donc, on n'a pas été suivis, alors par nos propres collègues. C'est pour ça que alors, je peux vous rejoindre à la limite sur le fait que quand je vois un amphi de profs de philo... auquel on expose nos raisons. Il y a déjà des collègues, dans le lot d'ailleurs, qui avaient déjà été sanctionnés, puisqu'il y avait une épreuve anticipée, ils n'avaient pas corrigé, donc ils savaient qu'ils allaient être sanctionnés. Ils ont été sanctionnés, bon, là, c'était sur un mois de salaire, on leur a enlevé, si vous voulez, 22/30. C'est pas trop mal. Voilà. Bon. On l'a laissé 8/30. Mais... bon, les collègues nous ont pas suivis, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi ce fait-là. C'est-à-dire qu'on se bat, mais après, quelque chose va devenir naturel. Une fois que c'est naturel, c'est l'air qu'on respire. Et parce que, en partie, c'est pas personnalisé, c'est pas quelqu'un qui porte ça. Voilà. C'est lui. Je voudrais dire deux choses. L'informatisation... on la voit, et donc la déshumanisation, on la voit aussi à l'hôpital. Je peux vous donner un exemple. Vous avez quelqu'un dans la famille, hospitalisé, L'infirmière arrive avec son chariot. Sur le chariot, il voit les médicaments et l'ordinateur, l'écran. Et elle a, s'est occupée des médicaments. Elle ne s'est pas tournée une seule fois. Elle n'a pas entré le chariot dans la chambre. Elle n'a pas vu ma douceur. Donc, elle aurait pu avoir un malaise. C'était ça, voilà. C'est ça l'hôpital. Hein, maintenant, au moment où je travaillais encore, on commençait déjà à passer presque plus de temps à enregistrer ce qu'on faisait qu'à le faire. Alors, comme je travaillais en psychiatrie, c'était important quand même. Normalement le rapport humain, et c'est ça le souhait, hein, c'est pas seulement les médocs, mais je témoignais de ça parce que c'est le même mouvement, c'est la même chose. Et puis, sur un autre plan, je voudrais dire que quelles que soient les critiques qu'on puisse faire à l'école d'autrefois, à l'école, au lycée, tout ce qu'on veut, il me semble que pendant un certain temps, on avait le plaisir d'apprendre quelque chose d'inutile. Je dis bien d'inutile. Par exemple, mon cas, les maths, c'est complètement inutile. ça reste aussi inutile. Je sais que ça existe, et pendant le temps où j'ai peiné à essayer de comprendre ce qu'on expliquait, eh bien, j'ai fait travailler ma cervelle. Et je dis ça pour les maths, enfin, il y a des tas d'autres domaines, que l'enseignement tel qu'il existait propose. Mais l'important, c'est qu'il y a un être humain qui propose ça. Et je dirais aussi l'intérêt au niveau de psychologique, c'est que bon, d'abord on est avec d'autres élèves, d'autres enfants du même âge, maintenant de sexe différent, ce qui n'était pas le cas quand j'étais gamine, mais on a tout le loisir d'aimer ou de détester l'enseignant. Mais c'est très important. C'est important. C'est comme le médecin. Le médecin qu'on va voir, il vous est sympathique, le traitement fera beaucoup plus d'effet. Il ne vous plaît pas, ça ne marchera pas si bien. Et l'enseignant, c'est pareil. Mais dans la formation de l'individu, pouvoir aimer, haïr ou être indifférent, c'est extrêmement important. Ça ne se produit pas avec un écran. Voilà, ça je voulais le dire. Juste un point rapide. Ouais. Je pense que tout le monde en a conscience. Hein, je veux dire, par exemple, si vous regardez les grandes universités américaines, tous les cours, ben, c'est des profs en présentiel. Mmh. Je veux dire, c'est uniquement, effectivement, pour le grand public, on veut automatiser. On sait très bien que bon, là, la clé est fondamentale pour l'enseignement qualité. Christophe, c'est pour vous. Je crois que les constructions d'école sont des problèmes majeurs de la mobilisation intellectuelle, au même titre que les luttes sociales que nous vivons actuellement. Parce que si on regarde bien, et pour rejoindre ce que vous étiez en train de dire, c'est que l'école est là pour forger un esprit critique. Et ce que vous disiez, c'était justement ici quel monde, apprendre à comprendre le monde. Sauf que là, ce qu'on est en train de former, ce sont des gens, on est en train de faire des fabriques du consentement, pour citer l'ouvrage, ou provoquer une sorte d'aliénation consentie pour faire des futurs consommateurs, des futurs travailleurs qui, à un moment donné, n'ont pas les capacités intellectuelles de dire « moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on nous propose, je suis obligé de l'accepter ». Et on voit que ce système, il est déjà apparu durant, juste après les 30 Glorieuses, lorsqu'on s'est attaqué au mouvement ouvrier, et qu'on a désolidarisé justement tout ce monde pour atomiser le corps social. À partir de ce moment-là, bah, de ce corps social, on en a fait ce qu'on a voulu, on a mis en place le management, on a mis les crédits, etc. Donc on a aligné ces gens qui n'ont plus la capacité de résister au monde qu'on est en train de leur proposer. Et là, on se trouve exactement dans la même situation. Et donc la résistance, elle doit être aussi bien celle des professeurs, elle doit être aussi celle des citoyens, mais elle doit être aussi celle des professeurs. Parce que j'ai des amis qui sont enseignants qui me disent, bah, voilà, le professeur n'était pas là pendant une semaine, deux semaines, et le professeur ne réagisse pas. À un moment donné, on fait une pétition, dire, voilà, ça fait trois semaines, quatre semaines qu'il n'y a pas de professeur, et on va au créneau. Il y a même eu des écoles où il y a eu un moment des blocages à l'intérieur des écoles, dire, il n'y a pas de professeur, donc on bloque. Et dès le moment qu'il y a une résistance qui vient de tous les corps, aussi bien de la famille, des élèves, des enseignants, il y a quelque chose qui se passe. Donc s'il n'y a pas une solidarité pour résister au sein de l'école, s'il y a seulement les profs, on ne va peut-être pas aller très loin, parce qu'on l'a vu par rapport aux luttes derrière, par rapport aux retraites. Il faut que tout le monde fasse bloc pour lutter contre une machine qui ne va pas s'arrêter. Je voulais rassurer monsieur qui a pris la parole en premier. Parce que je suis enseignant dans le secondaire, donc j'ai parlé de ce que je pratique et connais un petit peu. Les pratiques pédagogiques, en fait, ne cessent d'évoluer. Je ne sais pas quand vous étiez à l'école, mais ça n'a plus aucun rapport. Les mentalités changent, les enseignants ne sont plus les mêmes. Chaque enseignant, en fait, adapte sa pratique et sa pédagogie au public qu'il a. Donc les cours, enfin, si vous alliez en collège ou en lycée de nos jours, les cours de philo, de maths, de français, d'art plastique, de musique, n'ont absolument rien à voir avec ce que moi j'ai pu connaître en tant qu'adolescent et ce que vous avez pu connaître à votre époque. Donc les pédagogies évoluent nécessairement, puisque chacun d'entre nous évolue, et on appartient à des générations différentes, donc tout évolue. Les enseignants, en fait, bon, je ne sais pas pour ceux qui sont enseignants, tu en parlais tout à l'heure, c'est une catégorie un peu particulière, on est à la fois très râleur, assez conservateur, et en même temps très friand de nouvelles pratiques et de nouvelles pédagogies. Toujours à essayer des choses, à vouloir aborder nos cours de façon différente. Donc, l'enseignement a considérablement changé. Il n'y a plus de cours magistraux. On s'adapte à nos élèves et on fait, malgré qu'on en ait et quoi qu'on en dise, on fait en fait de l'individualisation en cours. Il n'y a plus aucun cours magistraux en collège ou en lycée. Ce n'est plus possible. Enfin, si on tente, faudrait demander à Renaud, mais si on tente un cours magistral en collège ou en lycée de nos jours, ça ne passe plus auprès des adolescents. Ils ne supportent plus ce genre de pratique. Donc, on est obligé d'avoir un rapport différent avec eux. Alors, après, vous disiez qu'il fallait qu'on évolue dans nos mentalités, qu'on arrête de défendre notre précaré. C'est compliqué parce que, d'abord, on est sous le feu d'une attaque permanente depuis 30 ou 40 ans de nos statuts, de nos conditions de travail, ce genre de choses, de la massification de l'enseignement, plein de choses comme ça. Donc on pratique au quotidien l'enseignement. On a une sorte de rouleau compresseur de l'institution qui nous bombarde constamment de nouvelles injonctions et très souvent d'injonctions totalement contradictoires d'un ministre à l'autre. Dans l'enseignement, c'est quand même très courant d'avoir quelque chose qui nous est imposé une année, et deux ou trois ans plus tard, on va nous demander de faire presque le contraire. Et bien évidemment, on ne dira pas que c'est un échec, comme dirait l'autre. On dira que ça n'a pas marché. Mais à la rigueur, non, dans l'enseignement, on ne dit même pas que ça n'a pas marché. On va faire comme si de rien n'était, on va passer à autre chose, et on ne tirera pas de bilan. Voilà. Donc c'est très difficile pour les enseignants au quotidien de faire front, et de faire autre chose que défendre notre précaré, puisque nos conditions de travail, notre statut, tout ça est constamment attaqué. On est soumis à des injonctions totalement contradictoires, et en fait, on essaie de sauver ce qu'on peut au quotidien. Voilà. On a des pompiers pyromanes au ministère depuis plus de 30 ans, et nous, on est sur la ligne de front avec des seaux et on essaye de sauver nos élèves, de travailler. Après, comme le disait une de mes collègues, il ne faut quand même pas oublier que très souvent, les enseignants, c'est d'anciens bons élèves. Et il y a quand même... On a un côté très docile aussi. Il y a des degrés, bien évidemment, mais c'est vrai que souvent, on aime bien faire quand on est enseignant. On pense, d'ailleurs, l'institution l'a bien compris, on est constamment soumis à un chantage affectif, quoi. Penser aux élèves. C'est compliqué aussi de dire stop et d'arrêter, parce qu'il y a toujours des collègues qui disent « Non, mais là, les gamins, on ne peut pas les laisser comme ça. » Voilà. C'est la même chose. Si les enseignants sont capables d'individualiser leurs cours face à un groupe de 20 ou 30 personnes, c'est excellent. Si les enseignants sont capables de s'insérer en entreprise, c'est-à-dire de réactualiser leurs compétences en permanence, de façon à pouvoir autant faire des cours que travailler à l'extérieur dans leur domaine, c'est excellent. Je ne parle pas des lycées pro, je parle du collège. Ensuite, ce que vous avez individualisé, c'est tenir compte de l'individualité de chacun. Oui. Pour moi, j'ai pas des pions en face de moi. Quand j'enseigne, Renaud non plus. on tient compte de la personnalité de nos élèves et on essaie d'établir justement. Donc oui, pas, le problème, c'est que tout le monde dit qu'il y a la, ce sont les acquis, c'est-à-dire les connaissances et les compétences de l'individu à un moment donné. Bon, après, le terme compétence pose beaucoup de problèmes. Quand je suis rentré au télécom, mon père m'a dit tu as de la chance. Les télécoms, pour nous, c'est un exemple. Il était proviseur de lycée professionnel. Mais c'est un exemple de formation. Continue de formation professionnelle. Et j'y suis rentré quand ? Et quand j'ai eu ma licence scientifique, je suis rentré avec mes bases générales. Et après, moi, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris le fonctionnement de centraux téléphoniques, des trucs comme ça. Mais là, j'ai eu des cours faits par l'entreprise. Je n'ai pas eu les cours de Rotary quand j'étais en seconde. Parce que déjà, on était passé à d'autres systèmes. Et on m'a enseigné d'autres systèmes quand je suis arrivé au télécom. La formation professionnelle continue, il faut faire attention. Hein, je pense qu'on a besoin d'avoir de bonnes bases, bien solides, qui permettent justement de passer d'une chose à l'autre. Moi, dans les télécoms, comme j'étais fonctionnaire, on m'a fait faire diverses choses. Hein, j'ai fait divers domaines, j'ai commencé dans la sauto-technique, j'ai terminé sur les antennes relais des mobiles. Hein, c'était certaines choses. Mais... parce que j'avais les bases. Voilà. Est-ce que tu veux rebondir avant et après il y a Frédéric Marival, vas-y. C'était juste une. Oui, rebondir, c'est bien. Sur les remplaçants. Il y a deux choses sur les remplaçants. Alors, un, ça vous le savez, plus personne ne veut faire ce métier en France. Voilà. Ça veut dire que là, effectivement, c'est normalement la panique. Quand il se passe ce que vous avez dit, et ça arrive, c'est la panique à bord. Parce qu'il n'y a plus personne. Et donc, vous avez. Alors, peut-être que vous l'avez vu passer ça. Le scandale, alors il y a un an et demi, je ne l'ai pas mis dans le livre, le scandale des job dating. Voilà. Bon. Mais on en est là, quoi. Ils annoncent en 10 minutes formation accélérée, et hop, job dating. Donc ça dit quelque chose de global sur la société. L'hôpital, etc. Tous les services publics. Vous voyez, même là, service public. De l'anarchisme, le public ou le commun, qu'est-ce que vraiment. Et on se retrouve sur des positions à rebours, quoi, peut-être, ou à revers. Et ensuite, sur le remplacement, alors, ce genre de choses, on y pallie par des ajustements retors. Donc, je peux vous parler de la nouvelle marotte, le pacte. Ça vous êtes au courant aussi ou pas? Un élément de ça, il faut 3 semaines d'absence pour que le rectorat mette en place le remplacement d'un enseignant. Quand j'ai commencé, moi, il y a 25 ans, c'était une semaine. C'est passé à 2 semaines, maintenant c'est 3 semaines. Puisqu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de vivier pour avoir des remplaçants. Donc c'est 3 semaines d'absence. Et effectivement, souvent, ensuite, avec des annonces. À Pôle emploi ou du job dating, ce genre de choses. Sinon, nous avons donc le pacte, c'est un effet d'engagement. Vous vous engagez à remplacer un collègue sur un créneau où il est absent et vous faites votre matière sur le collègue, sur son créneau. Et cet engagement vous engage à plus. Et donc, plus vous êtes engagé, plus vous touchez des primes. Frédéric. Frédéric, attends. Merci beaucoup. Je suis aussi prof de philo, plus à la fac, mais ouais. Et je retrouve complètement toutes les dynamiques de démantèlement et de contraintes à mal faire son travail que tu décris. Merci beaucoup. Ma question elle est un peu pessimiste, mais c'est la suivante, c'est comment continuer? Parce que il est sûr et certain que ces dynamiques, elles ne vont que s'aggraver et se confirmer jusqu'à ce que peut-être, moi il me semble que c'est ça l'objectif que recherchent les États depuis le début des années 2000, jusqu'à ce qu'on ait enfin fait comprendre aux classes moyennes solvables que l'éducation ça s'achète. C'est-à-dire qu'il faut que les classes moyennes solvables, que ce soit pour le primaire, le secondaire ou le supérieur, paye les études. Il faut que ça rentre dans le crâne. Et donc, il y a un gros travail à faire sur les États qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont décidé de construire un système éducatif solide, public. Mais tant qu'on ne sera pas allé jusqu'à cette destruction complète, il n'y a aucune raison, sauf à croire dans des logiques de résistance auxquelles, personnellement, je ne crois plus, parce que j'ai vu l'individualisme fort des collègues et puis le rouleau compresseur qui est en train. Donc on ne sera pas arrivé à ça. Je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas aussi durement d'année en année de dégradation pour les élèves, pour les personnels. Enfin, je veux dire, les options psychiques que tu décrivais pour résister au début, je les vois très bien et elles sont terribles dans tous les cas. Donc, bon, une fois que j'ai développé ce tableau très noir, comment tu continues ? Ouais. sans avoir le sentiment d'arracher, si tu veux, à un prix totalement excessif et démesuré, un petit bout d'humanité et d'intelligence au milieu d'un océan de... Sachant qu'en plus, ils se foutent de notre gueule, parce que cette année, c'est vrai, ils se foutent de voir comment notre gueule. Cette année, dans la réunion de rentrée, le chef d'établissement a répercuté ce que disait le ministre, le nouveau ministre, et qui disait qu'il fallait favoriser le bonheur des élèves et des personnels enseignants. Oui, mais là, sérieux, sérieux. C'est pas ça que Tu réponds à la question de Frédéric. Attendez. Il y a des gens qui ont demandé la parole aussi. Non, rapidement, on pourrait rebond sur le rebond. On pourrait considérer que sont les quand il y a les jeunes dans la rue, il y a un petit frémissement en général. Là, force est de constater qu'ils y vont moins. Donc, on a. Ça oui, ça peut être un déclencheur. Ensuite, bon, pour le portrait, voilà, très bien, très bon diagnostic, docteur. Désespéré, mais... C'est moi qui m'adresse au docteur. Non, évidemment. Moi, c'est exactement ça. Hein, on est épars. Le constat, il est évidemment très pessimiste. On peut même être désespéré, mais on continue. Alors, comment continuer ? Soit on arrache dans nos classes, effectivement, ce qui se passe là, soit on fait le travail nous-mêmes. Donc, on fait au prix d'un peu, au prix de pas mal de déplacements, on fait de l'éducation populaire. On voit, moi ça m'arrive, alors pas tout le temps, mais ça m'arrive de voir maintenant des jeunes qui en ont assez, qui arrêtent leur cursus, qui font autre chose, qui s'intéressent aux idées qu'on développe ici. C'est toujours très épars, mais je prétends pas à autre chose en fait. Hein. Voilà, je prétends pas à rallier tout le monde sur une même ligne de front et attendre de... qu'on sort. Voilà. Bon, du coup, je rebondis évidemment sur ce que vous avez dit, parce que là, il y a vraiment des choses qui me font grimper au plafond. Je crois que vous avez dit quelque chose du genre. Mais très bien, si les enseignants sont capables de faire ce qu'il faut pour l'entreprise. Quoi. Non. Je suis plus. C'est pas ça. Mais... d'individualiser leur cours. Oui, leur mais il y avait autre chose derrière d'individualiser. Il y avait quelque chose par rapport à l'entreprise. Et alors, là-dessus, tu vas pouvoir rebondir peut-être, parce que, évidemment, toujours pareil, on est obligé de se poser la question, mais finalement, pourquoi font-ils ça ? Pourquoi nous font-ils ça ? Bon, alors, justement, en partant, l'éducation, je pense que l'ensemble des profs qui sont ici, mais pas que dans une salle des profs, la majorité des enseignants, en plus tu l'as dit, sont extrêmement, pour beaucoup d'entre eux, extrêmement convaincus de ce qu'ils font. Ils aiment ça, ils aiment les mômes, ils aiment enseigner, etc. Mais l'enseignement, enfin, au moins jusqu'à la terminale, ben, d'ailleurs c'est ce que tu as dit, Michel, au moins jusqu'à la terminale, et en tout cas au moins, mais dans l'enseignement dit général, on est là pour s'ouvrir l'esprit, on n'est pas là pour apprendre à faire, à rentrer chez les PTT ou chez je sais pas qui ou chez je sais pas qui, parce que sinon ça n'a plus aucun sens. Et c'est justement ce sens qu'on nous fait perdre depuis X années, à petit coup par petit coup par petit coup par petit coup. Et combien d'enseignants à l'heure actuelle disent que effectivement leur métier a perdu son sens. Nous ne sommes pas au service de l'entreprise. Ça, ça se fait après. Comme un peu comme tu as dit. La base humaniste de l'éducation française. Et il trouve que les Français qui ont cette base s'adaptent beaucoup mieux à n'importe quel métier. Moi, je suis pas... Alors, c'est la question qui va supprimer. Attendez. Tout à fait. Et voilà, donc l'essence d'éduquer un enfant, un jeune, etc., c'est lui donner un certain nombre de choses inutiles, mais qui, au passage, comme les mathématiques, lui auront formé le... et on n'est pas... normalement, depuis le départ, si d'ailleurs les enseignants sont classifiés si chiants, si gauchistes, si, je sais moi, branleurs d'ailleurs, au passage, si les enseignants ont été systématiquement fustigés par tous les gouvernements depuis le début, c'est pas pour rien. C'est précisément à cause de ça, parce que, voilà, on défend le fait de juste éduquer, ce qui est énorme, aller dans des bouquins, faire des langues, faire je sais pas quoi, pourvu que ça ouvre l'esprit. Et après, on verra quel métier on fait, et si on a besoin d'un savoir-faire particulier, ça c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, ça sera dans un deuxième temps. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'un enseignant a toujours été considéré comme étant quelqu'un de dangereux. Et moi, personnellement, je pense que c'est ça que les gouvernements, les ministres, les machins, les trucs, essayent de casser année après année, décennie après décennie. Et c'est la raison pour laquelle les enseignants sont si détestés. Chantal. Et qu'on veut tellement les casser. Oui, je voudrais dire deux choses très différentes, mais je rebondis aussi sur ce que vous avez dit sur les jeunes. D'abord parce que sur la longue durée, l'école, ça quand même a été, ça a été l'objet d'une lutte d'émancipation terrible qu'on a complètement peut-être oublié au XIXe siècle pour reprendre, enlever l'éducation des mains des religieux et de l'État royal à l'époque impérial, et le redonner à la masse avec un enjeu terrible, avec des débats terribles, parce que la droite de l'époque avait son idée aussi, faire de bons chrétiens et de bons ouvriers pour les patrons. À l'époque, c'était ça. Et après, il y a eu cette contradiction, et malgré la création de l'école, qui a été un progrès énorme, la masse est arrivée quand même à s'instruire, il y a eu cette contradiction, effectivement, qu'elle enlevait la liberté et le pouvoir de décision. On en faisait des bons citoyens, des bons républicains, et pas forcément des gens qui raisonnent par eux-mêmes. Donc là, on voit la classe anarchiste. Et on a été au point aussi que l'école a reproduit, on en revient à Bourdieu, on n'a pas parlé, mais Bourdieu, avec les héritiers, il nous rappelle que cette école, c'était de la reproduction sociale avant tout. Ça a été, moi, je suis de l'autre génération, ça a été un choc. Donc j'ai lu ça, d'autant plus que les quartiers étudiés, c'était les mineurs. Ils avaient étudié les stacks et tout ça. Voilà. Donc c'est sur ces élèves-là, dont je faisais partie, que Tassereau et les autres avaient établi leur conclusion, qui était très juste d'ailleurs. Et donc, c'est vrai, elle est imparfaite, etc. Je souscris complètement à cette déconstruction à laquelle on assiste. Cette déconstruction, elle vient non plus de la religion, même si elle attaque toujours, mais bon, plus ou moins sournoisement, c'est surtout la marchandisation, c'est-à-dire le capitalisme. Le capitalisme, c'est saisi de l'époque de... Et on en revient presque, c'est des retours de l'histoire un peu indirects, mais on en revient à reproduire effectivement des bons consommateurs ou des travailleurs, on est quelques-uns qui ont du boulot, bien docile, et on a et on considère les enfants comme des consommateurs ou comme des adultes. Monsieur, la conformation continue des adultes n'a rien à voir avec celle des enfants. Le cerveau des enfants n'est pas terminé. Ils ont besoin de relations humaines. Si vous le renlevez, et l'école n'a pas les moyens. Notre génération, on était 40 dans les classes. On était 40-45, on ne pouvait pas aller tous faire des études supérieures. Donc, ensuite, aujourd'hui, on en est, je crois que j'ai lu les derniers chiffres là dans le monde sur le nombre d'élèves par classe, on est les avant-derniers d'Europe. On en est 22-23, on parle de l'école primaire, alors que les autres sont à 15. Voilà, monsieur, elles sont là. L'éducation nationale n'a pas les moyens de ses ambitions et de ce qu'elle proclame. Voilà. Et les professeurs doivent faire avec toutes les contradictions que vous avez citées, monsieur, et qui existent. Donc, on en est là. Et en fait, je voudrais rebondir sur les jeunes, parce que je suis un peu étonnée. Vous dites, on doit envoyer les jeunes. Nos jeunes sont allés. Ils s'en sont pris plein la poire à Marseille. Mais quand on dit plein la poire, c'est physiquement. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je vous donne mon neveu, c'est parce que je le connais, mais il ne serait pas mon neveu, ça serait pareil. C'est un gamin qui vient des cités, qui est moitié gitan, moitié arabe, moitié espagnol, tout ce que vous voulez, magnifique typé. Je dis ça parce que lui, il a voulu étudier dans une famille qui n'avait aucune capitale culturelle, comme on dit. Eh bien, il a travaillé comme un fou, d'abord dans le privé, mais comme dans le privé, vous l'ignorez, mais moi j'ai travaillé dans le privé, il y a deux privés. Il y a le privé pour le peuple, il y a le privé pour les élites. Dans le privé pour le peuple, on ne leur donne pas les moyens. À tel point que les profs qui étaient honnêtes lui ont dit, il ne faut pas que tu restes là. Donc on l'a mis dans le public, au lycée. Il a travaillé comme un fou. Tous les week-ends avec lui, on a travaillé. Parce qu'il veut changer le monde. Il veut avoir les capacités pour le comprendre et le modifier vraiment. Et donc, il a été pris là pour Sciences Po. C'est le seul à Marseille cette année d'ailleurs. Les cités, c'est extraordinaire. Eh bien, il est allé à une manif. Et à la manif, il criait justice pour Zidane, pour Zineb, la pauvre dame. Et des gens ont jeté des canettes sur les policiers. Ils ont peu de responsabilité. Moi, je ne juge pas ça. Ce n'est pas mon problème. Sauf que les policiers ont pris mon neveu, qui était à côté, qui regardait, et ils ont dit que c'était lui. Ils l'ont frappé, ils l'ont mis en garde à vue, il a passé en jugement, il a été condamné, ce qui lui interdit toutes les hautes fonctions publiques. C'est dégueulasse. Alors moi, j'aimerais que ces casseurs, ceux qui lancent des pierres, se présentent d'abord et disent oui, c'est moi. Parce que s'ils n'ont pas de s'ils n'ont pas de projet, que ça gêne, c'est pas un problème. Et on est en train de faire un comité de soutien parce que on a fait appel. Bon, peut-être sans espoir, je ne sais pas, mais on se battra jusqu'au bout parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Alors, oui, envoyer nos jeunes, moi je suis d'accord, mais il faut que tous on y aille. Alors. Bien sûr. Parce que les envoyer et puis les laisser se débrouiller. J'ai pas dit envoyer, justement. Ça implique ce que vous dites. Envoyer. Excusez-moi, je l'ai interprété comme ça. Il faudrait que cette génération. Nous, notre génération, elle a milité déjà. Elle fatigue un peu. Hein. 70, 80 ans, on commence un peu à. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Mais dans la rue, il faut que j'ai les autres, il faut que les adultes, les parents soient là. Les petits jeunes, les envoyer, puis débrouillez-vous après. Non, justement. Vas-y, vas-y. Vas-y. Justement, ça, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Excusez-moi, c'est une indignation que j'exprime, plus générale. Non, mais c'est très pas. C'est justement ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Je trouve normal que ce soit plutôt les vieux qui manifestent. Il faut avoir la force. D'abord, parce que ce système, il a été instauré par la génération unique, là-bas. Oui. Et deuxièmement, les parents, ils ont des enfants jeunes, ils n'ont pas le temps, tout simplement. Ils n'ont pas le temps de s'informer. La première du bas. Et les jeunes, il ne faut pas les envoyer. Vas-y. Je ce que tu as voulu dire. Non, je déjà sacrifié. Je voulais juste dire, je reprenais ce qu'avait dit monsieur. C'était que j'avais dit finalement, il n'y a que les moments d'émeute qui réellement semblent fragiliser le pouvoir. Voilà, donc j'ajoutais, c'est quand les jeunes sont dans la rue. Mm-hmm. Pas qu'on les envoie, parce que ça c'est bien plus retors et ça s'est passé. Ça, c'est, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs en manifestation qui existent. D'une certaine façon, donc ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est les moments où tremble un peu, ou alors des choses qui débordent, quoi, comme les gilets jaunes. Yann, pardon, pour la, tu parles de déconstruction ou de détricotage de l'école, en fait. C'est une gestion de la pénurie. C'est pas vraiment une question de moyens dans l'éducation nationale. Blanquer, quand il a été ministre pendant 5 ans, on avait affaire à un mur. Aucun dialogue possible. Ça a beaucoup, démoralisé bon nombre d'enseignants parce qu'il y avait vraiment, il n'y avait aucun dialogue possible avec Blanquer qui donnait l'impression, alors même qu'il est issu du CERA et de l'éducation nationale, d'être là pour briser les enseignants. Bon, déjà, une espèce d'absence totale de dialogue. Et Blanquer, il avait annoncé qu'à terme, il y aurait un cinquième, je crois, un enseignant sur cinq qui pourrait être contractuel. Il a ouvert la porte à ça. Un enseignant sur cinq peut maintenant être un contractuel. Macron, il n'y a pas très très longtemps, en fait, il a justement, quand on disait qu'il y avait nettement moins de gens qui se présentaient au concours, il a dit qu'en fait, il fallait changer la façon de percevoir le métier d'enseignant. Que maintenant, enseignant, les gens pourraient venir bosser 2, 3, 4, 5 ans comme enseignant, puis partir dans le privé, faire autre chose. Donc, eux-mêmes, ils sont en train d'anticiper sur le fait qu'on va changer les carrières, on ne va plus enseigner comme avant, et que finalement, si les gens se lassent, parce que ils trouvent ça absolument épuisant comme métier, ils pourront partir faire autre chose. Moi, ça me donne vraiment l'impression que ce qui compte pour eux, c'est de gérer la pénurie. On n'a pas assez de gens, on va recruter des contractuels, on va faire venir des gens, on va essayer de mettre des gens devant les élèves, qu'ils aient le niveau, qu'ils n'aient pas le niveau, qu'ils aient une formation ou autre. C'est pas grave, parce que ce qui fait plaisir aux parents d'élèves, c'est qu'il y ait quelqu'un devant la classe. Ça, c'est très très très important, d'où le pacte également. Et ça, c'est quelque chose effectivement assez démoralisant. Alors, ça, moi, ça me donne l'impression en tant qu'enseignant que tout est fait pour qu'effectivement les classes moyennes finissent par mettre leurs gamins dans le privé. Puisque le secteur public, on ne va pas évidemment dire du jour au lendemain, on arrête l'école publique, c'est absolument inconcevable à l'heure actuelle, mais on va tellement affaiblir le public que les gens vont fuir vers le privé. Et puis, on va faire semblant d'assurer un service public en faisant croire qu'on y met les moyens. Quand on est enseignant, on comprend très vite qu'il y a une schizophrénie à la tête de l'État qui fait que la figure de l'enseignant est flattée à chaque rentrée scolaire. On est le pilier de la nation, on est hyper important, on est là pour travailler pour l'avenir des enfants de la nation. Et à côté de ça, au quotidien, nos conditions de travail, en fait, les enseignants, ils ont juste envie qu'on leur lâche, qu'on les oublie, qu'on les laisse travailler tranquillement, qu'on arrête de nous emmerder. Et c'est excessivement difficile puisqu'on on reçoit constamment, il y a des réformes de programme, des réformes de pédagogie, il faut constamment changer. On aime changer de pédagogie, on aime expérimenter des choses, mais en fait, on nous plaque des choses régulièrement, et comme je le disais tout à l'heure... On fait cadeau les examens, voilà. Dis-moi tout ce que vous dites, je pense que c'est important, c'est dans le sein privé, mais je pense qu'il y a un point qu'on sous-estime beaucoup, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, le marché de l'enseignement privé, c'est le deuxième marché tout confondu, donc il y a un enjeu financier au niveau capitalisme énorme. Si Macron veut revenir, parce qu'en fait, il y a aussi un truc au ministère qui est une véritable obsession, c'est le collège unique. Et en fait, ils ont qu'une envie, c'est de briser le collège unique. Alors, ils vont pas annoncer demain qu'on met fin au collège unique, mais là, le fait maintenant de pouvoir réorienter des gamins de 12 ans, c'est de facto la fin du collège unique. Et on sait très bien, les enseignants se sont battus sur ça, on sait très bien qui ça va toucher, les gamins de 12 ans qu'on va envoyer en formation. Comme par hasard, ça va tomber sur les gamins de quartier, sur les gamins de socialement défavorisés. Donc, on va pas mettre fin au collège unique, mais on va effectivement ouvrir, il y a la réforme de l'enseignement professionnel, et on va tâcher, le ministère fera son possible pour que des gamins de 12-13 ans, de milieux un peu défavorisés ou autres, qui n'ont pas des résultats scolaires absolument faramineux, on va essayer de les pousser. C'est ça. Et ce qui sera une façon de mettre également, de résoudre les problèmes de l'enseignement dans le secondaire. Parce que le ministère lui-même dit que le collège est le parent pauvre. Ouais, le ministère le dit. Le collège est le parent pauvre de l'éducation nationale. Donc, si, vas-y. Ouais, moi, je voudrais juste, à un moment donné, tu nous dis qu'en fait, ils veulent gérer la pénurie. Moi, je crois pas. Enfin, je crois pas que ce soit ça le problème, hein, parce que il y a plein de gens qui voudraient être prof, hein, parce qu'en même temps qu'ils font des job dating et qu'ils font des, en même temps, il y a des gens qui sont obligés d'avoir un bac plus 5. C'est pareil, ça a été une évolution. Hein. Il y a une époque où on pouvait être inscrit en troisième, après en terminale, après il a fallu la licence. Maintenant, il faut un bac plus 5 plus un concours qui est assez exigeant de ce que j'ai vu. Enfin, bref. Donc je ne pense pas que ça soit gérer la pénurie, c'est vouloir casser en fait, c'est vouloir casser. Quand tu parles de qu'il faut que, bah, là c'est bon, je vais pas le dire souvent parce que bref, cette société liquide, mais je crois que c'est pas seulement au niveau des enseignants, c'est de toute la société. Il faut que les gens soient prêts à ce que ça change tout le temps, à ce qu'ils s'adaptent tout le temps, à ce que les règles ne soient plus les mêmes, à ce qu'ils veuillent sauter d'un boulot à un autre. Et ça, c'est un moyen de contrôler trop efficace, quoi. C'est le moyen de c'est très politique en fait, c'est vraiment une grande réussite du capitalisme aussi, ça. C'est d'avoir des gens qui sont toujours prêts à faire tout et n'importe quoi, bah, parce qu'il faut bien survivre, quoi. Mais c'est pas pour gérer la pénurie. Et puis pareil aussi, quand même, moi, quand je suis rentrée moi dans l'enseignement, les profs c'était tous des gauchistes, c'était tous, mais c'est vrai, c'était pour moi c'était lié. Et puis c'est vrai, en plus, on était les premiers à faire des grèves, on était une force qui faisait peur. Bon, maintenant, Macron. Hein ? Ils ont voté Macron. Et c'est vrai que Macron, il est arrivé pour casser tout ça. En 2017, il a été mis en place, on s'est parti, pour foutre en l'air tout, que ce soit l'éducation nationale, la santé, les services publics, la SNCF, ça avait commencé avant. Ça avait commencé avant, mais il y a une accélération. Et la différence aussi, moi, ça, pareil, c'est, je l'ai entendu hier, mais Macron et toute la Macronie, la différence aussi, c'est qu'ils sont capables de mentir avec un grand sourire, en nous regardant droit dans les yeux, un gros mensonge, le plus gros mensonge, que tout le monde le sait. Moi, c'est pas un problème, ça passe. Ça passe, ils disent un gros mensonge. Et à l'école, par exemple, c'est ça. Et alors, quand ça se rapproche aussi du nudge, en fait, je fais un petit parallèle, mais c'est peut-être pas tout à fait, mais c'est un peu ça, quoi. C'est une manipulation globalisée, quoi. Bon, bref. Et puis, c'est vrai, quand on dit envoyer les jeunes. 1984. Alors on les envoie pas déjà, hein, oui, ils sont assez énervés comme ça, ils pourraient y aller tout seuls. Mais peut-être qu'on n'y est pas assez, nous, avec eux quand même. Parce que je vous propose c'est d'étudier un dernier mot, puis après on continue à discuter autour d'un verre. Alors, dernier mot, le non, mot. Mais après le débat, c'est un débat passionné, forcément. Oui, forcément. Il y a cette dernière intervention là qui est intéressante, bon, sur le fait que les profs ont cessé d'être des hussards, bien sûr. Mais oui, il y a une dépolitisation quand même qui est très, très forte, quoi. Parce qu'une éradication aussi de la pensée critique, quoi. Et alors là, on peut le voir à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, on peut le voir, mais ça peut être un effet pervers de certaines théories, type Bourdieu d'ailleurs, renversé. Il y a eu le tournant dit des pédagogistes à une certaine époque. Bon, mais ça ne suffit pas à l'expliquer. Et puis, il y a une perte de poids déjà même des syndicats qui offraient néanmoins une structure où au moins il y avait des échanges. Donc tout ça cumulé, et puis après il y a un effondrement global de la pensée critique en général, quoi, en fait, dans la société, et une perméabilité aux modes, et en fait à un déplacement des questions frontale vers des questions en fait qui limitent le champ à, par exemple, l'identité ou ce que je suis moi par rapport aux autres, etc. Et donc qui limitent l'approche de la société comme un tout, quoi. Voilà. Et tout ça se répercute à l'école, se répercute dans le syndicalisme, notamment de gauche et d'extrême gauche à l'école, qui en fait abandonnent les questions dont je parle dans le livre, quoi, par exemple, n'en parle pas du tout, ou considère qu'il y a même à la limite un penchant réactionnaire à s'attaquer à ces questions-là, parce que finalement, on s'attaque au progrès, quoi, d'une certaine façon. Voilà, donc l'idée serait plutôt, vous voyez. Donc il y a tout ça qui explique là où on en est à présent. Donc il y a de moins en moins de profs, de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier. Et si certains veulent faire ce métier, ils le font en plus par défaut. Donc ce qui nous facilite pas la tâche. C'est monsieur des écoles. Oh, c'est le ministre qui dit arrêtez de faire des conneries, la fête. Voilà. Oui, le prof, c'est un raté. Hein. Comment ? Dans le quartier Nord, le prof, c'est un raté. Un raté parce qu'il s'intéresse à eux, déjà. Et le truc, ce ne sera pas assez intéressant. Et parce qu'il ne gagne pas assez d'argent. Oui, alors il peut y avoir ça. Et puis, donc, si tu es prof, c'est parce que tu les as ratés. Non. Et après, juste. Non, mais ils le disent. Ils ne vont pas vous le dire à vous. Mais juste dernier mot, c'est ce que ça. Il y aurait peut-être ça, c'est peut-être plus important. On peut continuer à parler après. Il y aurait peut-être chance. Juste 2 minutes. Bon, moi, je suis d'accord pour taper sur Macron et tout, mais justement, des fois, on a vraiment envie, quoi. Mais bon, si j'essaie d'être lucide et tout, et objectif, je pense qu'il faut se garder de trop personnaliser. Ah oui, moi, je suis d'accord. Parce que la tendance, elle est globale. Les systèmes d'éducation en Amérique du Nord, ils sont à la limite bien plus avancés que nous. Et finalement, c'est eux qui sont le produit d'appel pour des gens comme Macron. Quoi. Donc, c'est concerté au niveau européen, au niveau mondial. Voilà. Donc, la résistance. Enfin, plus que combattre, en fait, on se débat. Mais c'est déjà. Ouais. Merci Renaud, merci de votre participation. Le public a bien participé, des beaux échanges. Je vous engage à lire son bouquin maintenant parce qu'il vous a